En costume de une bonne sœur vient se glisser dans son lit. Et du bout des lèvres l'amène en douceur faire un tour au paradis. Alors le curé tombant du plumard se vit délivré de son cauchemar. En short et en tongue, il bafoue des moules au camping municipal. Il jure du Teng Kong en jouant aux boules et guince dans les petits balles. Alors l'aristo, tombant du plumard, desserra l'étau de son cauchemar. Pénard, il se rend à pied à l'école, la belle journée printanière. Cet air enivrant lui donne l'envie folle de faire l'école buissonnière. Alors l'enseignant tombant du plumard revint en geignant de son cauchemar. Il erre dans la foule lorsqu'un jeune beurre lui offre un thé à le mentor. Puis des babas cool l'invitent dans leur communauté non violente. Alors le skinhead tombant du plumard, puis à les emmerdes de son cauchemar. Il croise une blonde, brune que son jean, mais elle crie par les patins. À cette seconde, toutes nos frangines sont devenues tulipates. Alors le macho, tombant du plumard, sortit le front chaud de son cauchemar. Moyen de fuir sur tous les tunnels, ce méga mix nul à chier qui vient de réduire tous ces pauvres vers à l'état de viande hachée. Alors le poète tombant du plumard s'arracha tout net à son cauchemar.